Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et après cette promenade au voisinage de Terre, on va redescendre sur Terre et on va y aller avec nos amis les chiens. Les chiens qui ne seraient pas le meilleur ami de l'homme pour rien. D'après une étude publiée la semaine dernière, en plus de pouvoir reconnaître l'émotion de leur congénère, les chiens seraient également capables de percevoir les émotions des humains. Une capacité que l'on pensait jusqu'alors réservée aux primates. Alors nous retrouvons maintenant Adèle Mazurek pour nous parler de cette découverte. Bonsoir Adèle. Bonsoir Valérie. Donc j'ai vu passer cette information sur plusieurs sites sur internet et j'ai trouvé ça à la fois intéressant puis un peu intriguant. Alors j'ai choisi de vous parler de ce sujet ce soir. D'accord. Alors d'où vient cette découverte d'ailleurs ? Donc ce sont des chercheurs de l'université de Lincoln au Royaume-Uni en association avec l'université de Sao Paulo au Brésil qui ont publié leurs résultats donc la semaine dernière dans la revue Biology Letters de la Royal Society britannique. D'accord. Donc une vraie étude scientifique. Et comment ils sont arrivés à ces résultats ? Parce que quand même, c'est toujours litigieux comme sujet, des émotions chez les animaux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience ? Oui, alors c'est des expériences qui sont assez qu'on retrouve assez souvent en éthologie. Donc cette fois-ci, un des expérimentateurs en fait a placé un chien devant deux écrans et sur l'écran de gauche ou sur celui de droite apparaissait soit un visage humain exprimant la joie ou la colère, soit une tête de chien joueur ou agressif. Donc ça on peut le déterminer en fonction des mimiques hein, sur le visage. Et en même temps que l'image apparaissait sur l'un des deux écrans, les expérimentateurs diffusaient un son. Donc encore une fois, soit une voix humaine enjouée ou en colère, soit un aboiement agressif ou joueur. D'accord, donc si je comprends bien, il y avait une voix enjouée qui était par exemple associée à un visage heureux sur un écran ? Donc en effet, ça pouvait être une des combinaisons possibles, mais en réalité les chercheurs ont formé différentes combinaisons, donc celles qu'on va appeler cohérentes, donc autrement dit, comme tu viens de le dire, une association d'un visage heureux avec une voix enjouée ou d'un chien agressif avec un aboiement agressif. Mais ils ont aussi formé des combinaisons qu'on appellera incohérentes, et par exemple un visage heureux associé à une voix en colère ou un chien agressif associé à un aboiement joueur. Donc le chien était entre ses écrans, puis voyait ou entendait ces différentes voix ou signaux. Oui. J'imagine que les chercheurs ont observé le chien. Qu'est-ce qu'ils ont relevé comme paramètres ? Qu'est-ce qu'ils ont regardé sur le chien ? Donc pour ne rien rater, en fait, pendant toute la durée de l'expérience, donc, chaque chien a été filmé. Comme ça, après, ils pouvaient re-regarder les enregistrements. Et aussi, grâce à la présence des deux écrans, les chercheurs ont pu comptabiliser en fait, le temps que passait le chien à regarder les combinaisons cohérentes et incohérentes. Et évidemment aussi le temps total à observer les visages pour avoir une base. Puis à partir de ces données-là, ils ont pu effectuer des analyses statistiques. Alors il y a une chose aussi qui est importante dans les expériences en science, on aime bien avoir un certain échantillon. Puis là, vu le dispositif, on se demande est-ce qu'ils ont fait ça sur un seul chien, plusieurs chiens ? Est-ce qu'ils ont répété l'expérience ? Oui, en effet, j'en ai pas parlé. C'est une expérience sur un... Bah, pour moi, c'est un échantillon je trouve relativement restreint. Peut-être qu'il faudrait agrandir l'expérience. C'était sur 17 chiens. Quand même. Surtout en éthologie, souvent, c'est assez restreint. Ils étaient tous en bonne santé, déjà sociabilisés pour tous partir sur la même base. Il s'agissait de chiens de races différentes. Et là, j'ai pas trouvé d'informations plus précises là-dessus, dans l'étude. Puis au niveau de l'expérimentation, c'est sûr, comme tu disais, il faut vraiment renouveler les expériences. Donc là, c'était deux séances de 10 essais. Les deux séances étaient séparées par deux semaines de repos. Et donc, au total, finalement, ça faisait 20 essais par chien. Donc, chaque essai, évidemment, avait des combinaisons différentes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, au total, quand même, 17 chiens, 10 essais. Ça finit par faire un nombre important d'observations, quand même. Et donc, j'imagine que les chiens, là, face à ces associations d'images, de visages, de chiens, et puis de voix ou d'aboiements, devaient réagir différemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'était l'hypothèse qu'avaient posée les chercheurs. Et en effet, ils ont constaté que les chiens étaient beaucoup plus attentifs si les expressions faciales correspondaient entre guillemets à la bonne voix, donc une association cohérente. Et d'après la publication, on parle là de 67% des essais, donc c'est un chiffre significatif statistiquement, et donc sur un total de 188 essais retenus. Et il y a aussi une deuxième chose à noter, c'est que les chiens passaient plus de temps à regarder leur congénère que les humains. Et alors, qu'est-ce que ça laisse supposer, ça, comme résultat, le fait que les chiens regardent plus longtemps les associations cohérentes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, d'après les chercheurs, ces résultats laissent supposer que dans cette expérience, les chiens étaient capables d'analyser le lien qu'il y a entre ces deux sens, donc l'ouïe et la vue, et de définir donc si l'information était cohérente ou non. Et donc, il serait probable, d'après les chercheurs, que les chiens puissent catégoriser les émotions, donc ce qu'on appelle les émotions positives par rapport aux émotions négatives, et donc de pouvoir reconnaître le contenu émotionnel de ces expressions. Avec ça. Donc, quand les propriétaires de chiens racontent que leur animal de compagnie est sensible à leur humeur, ça pourrait finalement s'expliquer? Mais c'est sûr qu'on ne peut pas arriver à de telles conclusions juste avec une étude sur 17 chiens. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'expliquent les chercheurs dans leur discussion, en fait, dans l'étude, c'est qu'il existe une différence importante entre reconnaître l'humeur, en plus ici sur un écran, c'était même pas une vraie personne en face d'eux ou un vrai chien, et aussi apprendre à réagir de façon appropriée, par exemple, à une voix. Donc cette étude, à elle seule, ne peut pas vraiment apporter de réponse à cette question-là. Par contre, il y a eu d'autres études sur ce sujet. Par exemple, des résultats ont montré que les chiens pouvaient avoir des réactions comportementales différentes selon l'expression faciale humaine qu'ils observaient. Donc ici, il me semble, si je ne me trompe pas, ça a été fait avec leur maître, donc vraiment avec une personne physique. Mais encore une fois, il y a des limites à ce genre d'études parce qu'il pourrait aussi très bien s'agir d'un apprentissage. Oui. Autrement dit, le chien voit son maître en colère, il va être puni, donc il sait que cette expression faciale, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc après il va avoir le comportement associé, celui de se cacher un petit peu, d'être discret. Et donc finalement, dans ce cas, ça pourrait être le fait que le chien discrimine les expressions faciales sans forcément reconnaître l'information qui lui est transmise. C'est ça, exactement. Mais donc ça veut dire quand même que les études entre les relations homme-chien, il y en a plusieurs, c'est pas quelque chose d'exceptionnel? C'est beaucoup étudié, c'est vrai. Là, j'ai parlé de cette étude parce qu'elle est sortie la semaine dernière, mais il y en a beaucoup tout simplement parce que cette relation est quand même intéressante à étudier, elle est remarquable. Alors c'est sûr, ça va être la relation entre le chien et son maître, mais je pense aussi aux chiens guides pour les personnes malvoyantes, qui développent quand même des liens forts. Puis les séances de zéothérapie en compagnie de chiens pour les enfants malades, enfin handicapés surtout, qui montrent des résultats très encourageants dans l'évolution. Alors, en parlant justement de ces relations homme-chien, j'ai trouvé d'autres études à ce propos-là. L'an dernier, les résultats d'une étude suggéraient que les chiens pouvaient aussi éprouver de la jalousie. Donc, il faut faire attention à ne pas trop rentrer dans l'anthropomorphisme. Oui. Mais en tout cas, ça ressemblait beaucoup à de la jalousie, par exemple, lorsque leur maître porte plus d'attention à un autre chien. Donc pour cela, ils ont utilisé un protocole proche de celui qui a été utilisé pour des bébés humains âgés de 6 mois. Les auteurs de l'étude ont mesuré les réactions des animaux lorsque leur maître jouait avec 3 objets différents, dont un chien en peluche. Et l'un des résultats qui ressort, c'est par exemple qu'ils ont pu observer qu'environ 30% des animaux ont tenté de s'interposer entre le chien en peluche et le maître, et qu'aussi qu'un quart d'entre eux ont même eu des gestes agressifs envers le jouet. Donc on peut associer ça à une forme de jalousie, en effet. Ouais, c'est curieux. Puis je pense aussi à une autre étude qui encore est parue l'an dernier, décidément, il y a eu beaucoup de choses en 2015. Cette fois-ci, c'est grâce à l'imagerie par résonance magnétique, donc l'IRM. Et cette fois-ci, les chercheurs ont découvert qu'une région similaire du cerveau s'activait lorsque les chiens et les personnes qui participaient à l'étude entendaient des voix humaines chargées d'émotions. Donc ça pouvait être des voix, des pleurs, des rires. Donc en fait, ça pourrait montrer que les chiens et les humains auraient un mécanisme très similaire pour traiter l'information émotionnelle. Oui, exactement. Et est-ce que ces liens entre l'homme et le chien, est-ce qu'en fait ça pourrait pas être le fruit d'une longue domestication? Ça fait quand même longtemps que les deux cohabitent finalement. Oui, d'ailleurs en parlant de ça, j'ai vu que la date a été un peu révisée, donc maintenant on penserait que la domestication du chien à partir du loup daterait plutôt du néolithique, donc ça, on pensait que c'était plus ancien que ça avant. Et ça c'est quand ça, ça c'était il y a 12 000 ans, d'accord. 12 000 années. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question si cette relation ne vient pas de là. Donc je vais encore m'appuyer une nouvelle fois sur une étude, ce sera ma dernière, qui a été réalisée par une équipe japonaise. Donc là, je vais en venir uniquement au résultat, je parlerai pas du protocole. Ils ont montré que les chiens et les maîtres qui partagent un long regard ont leur taux d'ocytocine 30% plus fort que la normale. Alors l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, on le retrouve aussi beaucoup entre les liens mère-enfant. Et aussi, ce temps d'échange visuel augmentait énormément lorsque le maître, en plus, disait des paroles à son chien, le caressait. Donc, vraiment une forme d'attachement entre les deux. Et ce qui est encore plus intéressant dans cette étude-là, c'est que pour la même expérience, cette augmentation du taux de l'hormone d'attachement n'a pas été détectée chez les loups. Et aussi, les regards mutuels entre les loups et les hommes étaient beaucoup moins nombreux. Donc, chez les loups, c'est-à-dire chez les loups d'une même famille là, Oui, c'est ça. Mais là, ce qui a été étudié finalement, c'est le chien domestiqué vs le loup pour voir justement est-ce que si cette différence ne serait pas liée à la domestication. C'est quand même assez fascinant. Puis je me demande ce qu'il en est pour le chat domestique. Ah, tu sais, oui, quand il nous surveille, lui aussi, quand il est assis confortablement, qu'il fait mine de rien, puis qu'il nous surveille du coin de l'œil. Bah, je suis pas sûre que les liens soient aussi forts avec les chats en général. Curieuse de savoir ce qui se passe. En tout cas, merci Adèle, c'était passionnant, c'était fascinant. On passe maintenant en musique sur CKRL au 89.1 et au retour avec Marie-Claude Lafitte, on va tenter de comprendre le cancer.